27. L'imprimante, le Finlandais et les manchots. Lu par François Schnell. L'imprimante, le Finlandais et les manchots. Mais d'où viennent les logiciels libres? À la fin des années 70, le laboratoire d'intelligence artificielle du Massachusetts Institute of Technology reçoit une nouvelle imprimante de marque Xerox soumise à un mal récurrent, le bourrage de papier. Richard Stallman, l'un des informaticiens, tente de récupérer le code source du logiciel qui pilote l'imprimante et de le modifier pour réparer les erreurs de conception. C'est ainsi que Stallman et les autres informaticiens de sa génération ont toujours pratiqué. Mais les temps ont changé et le code du logiciel de l'imprimante n'est pas disponible. C'est la propriété de Xerox et la firme ne compte pas laisser quiconque y toucher. L'imprimante continuera ses bourrages et Stallman en retirera une certaine aversion envers les logiciels propriétaires, protégés par un copyright restrictif. Ainsi, quand en 1985, il quitte le MIT, il fonde la Free Software Foundation, dédiée à la mise au point de logiciels librement copiables et modifiables. Je cite, « J'estime que la règle d'or est que, si j'aime un programme, je dois le partager avec d'autres qui aiment ce programme. Les éditeurs de logiciels cherchent à diviser et à conquérir les utilisateurs en interdisant à chacun de partager avec les autres. Je refuse de rompre la solidarité avec les autres utilisateurs de cette manière », écrit Stallman dans un manifeste fondateur. Le premier objectif de l'Américain sera la conception d'un système d'exploitation, OS Operating System, qui soit complet pour ordinateur, un projet nommé GNU. L'OS est l'élément logiciel fondamental de toute machine, qui permet d'accéder aux éléments de l'ordinateur, clavier, écran, mémoire, etc., et de faire tourner les programmes. C'est une ressource stratégique, et à ce titre, l'objet des plus acharnés des batailles de la high-tech. Car il est impossible de concevoir de nouveaux programmes sans disposer d'un accès aux informations de base du système d'exploitation. Son accès, non discriminant, est la condition nécessaire au développement de nouveaux services et logiciels. Ce n'est pas un hasard si Microsoft a connu deux procès antitrust, l'un aux États-Unis, l'autre en Europe, pour avoir abusé de son contrôle sur Windows. La firme de Gates a pris l'habitude d'écarter ses concurrents en restreignant l'accès à sa plateforme par le biais de rétention d'informations ou d'aménagements techniques favorisant ses propres logiciels. Ce pouvoir de discrimination est la conséquence directe de la propriété exercée sur l'OS qui donne à Microsoft le contrôle de Windows. Désireux de concevoir un système d'exploitation ouvert à tous, Stallman sera ralenti dans son projet par des problèmes de santé. En 91, Linus Torvalds, un étudiant finlandais de l'université d'Helsinki, s'appuie sur son travail pour apporter la dernière touche à GNU et conçoit Linux, le noyau du système d'exploitation, la dernière pièce de l'ensemble. C'est le début de GNU Linux, promis à une croissance fulgurante. Des milliers de programmeurs dans le monde apportent leur contribution. Une dizaine d'années après sa première mise à disposition, Linux, symbolisé par sa mascotte Tux, le manchot, est le concurrent numéro un de Microsoft. Sur le marché des serveurs, ces ordinateurs indispensables pour faire tourner les sites web, les bases de données, etc., l'OS connaît une croissance de plus de 50% chaque année. Et le succès des logiciels libres ne se cantonne pas au système d'exploitation. La suite bureautique Office, traitement de texte, tableur, etc., de Microsoft, est concurrencée par une version libre, OpenOffice. Le principal logiciel dominant qui permet de diffuser des sites sur l'Internet se dénomme Apache et est adaptable et modifiable à l'envi selon les besoins des utilisateurs. Microsoft, qui propose sa propre mouture d'un tel programme, n'est jamais parvenu à l'imposer. en février 2004, plus de 67% des serveurs tournaient avec Apache, contre 21% avec le programme de la firme de Bill Gates. Bien sûr, la gratuité n'est pas la seule raison du succès des logiciels libres. La conception de programmes de façon décentralisée, coopérative, fondée sur le libre accès, a mené à des projets d'une qualité au moins équivalente à celle des produits bardés de copyright et de restrictions d'accès. Est-ce seulement par souci d'économie que la Bourse de New York utilise Linux pour la gestion de ses bases de données? La qualité du travail coopératif et décentralisé est, à l'instar de celle déjà observée en sciences ouvertes, où l'évaluation par les pairs a vite fait de torpiller les logiciels mal ficelés, les projets branlants, les programmeurs médiocres. Aux adeptes de la propriété, prétendument matrice de toute création, les réseaux offrent souvent de cruels camouflets, démontrant que la circulation ouverte du code et des normes d'échange peut l'emporter sur la rétention et l'appropriation.